me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation au naturel, non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, convie au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment appréhender la situation actuelle dans la modernité, demande Pierre aux Envalons, et quels sont les différents âges de la modernité et de l'émancipation? Comment se sont-elles déployées entre tensions et crises depuis la Révolution française? Quel a été le libéralisme égalitaire et optimiste? Quels sont les mouvements intermittents du terme néolibéralisme tombé en désuétude et réapparu sous Thatcher et Reagan? Avons-nous affaire à quelque chose d'insaisissable? Et quelle a été l'approche de Michel Foucault dans son cours laboratoire du Collège de France quand il est revenu sur la question du libéralisme à la fin des années 70? Pierre Auzan-Vallon, titulaire de la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique, nous entraîne dans le cadre de sa série intitulée Les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique, dans une grande fresque où il mêle l'histoire collective à son itinéraire personnel, entre recherches et expériences dans la société civile, entre enthousiasme et perplexité, en jouant de différentes focales. Tantôt, le regard explore le temps présent, les populismes, la critique radicale de la modernité, le désenchantement démocratique. Tantôt, le temps court, l'héritage du laboratoire des années 1968 et l'essoufflement des idées et de la démocratie à partir des années 80. Mais il interroge aussi le temps long de l'histoire de l'émancipation et du libéralisme depuis la fin du XVIIIe siècle. Ce choix d'une histoire plurielle et chorale, entre terrain et théorie, nourri de très nombreuses citations et portraits, se veut au service d'un regard vigilant et constructif face aux mutations du XXIe siècle qui nous bouleversent. Il s'agit pour lui d'exorciser notre sentiment d'impuissance et nos peurs. Gérard Courtois, revenant sur cette approche engagée du chercheur passé par la CFDT et l'EHESS avant le Collège de France, soulignait dans Le Monde en 2017, et je le cite, « Depuis un quart de siècle, Pierre Auzan-Vallon explore tous les territoires de la démocratie, leur émergence, leur mouvement tectonique, leur ligne de faille, avec une obsession, une ambition. Comprendre pourquoi l'utopie d'une société des égaux, bâtie par et pour le peuple, s'est étiolée. » Et chercher remède à cette désillusion qui nourrit le désarroi contemporain. Après avoir critiqué l'approche de la radicalisation de la modernité dont Pierre Auzan-Vallon a présenté les différentes formes idéologiques cette semaine, l'historien philosophe du politique propose de réintroduire le temps long et généalogique. Le cours précédent a ouvert la question des trois âges de la modernité, comment l'idée d'indépendance était-elle appréhendée et comment correspondait-elle à l'avènement d'un type nouveau de société au temps des Lumières. Il rappelait, je le cite, « S'il est inexact de considérer que c'est la modernité qui a inventé l'individu en tant qu'individualité, de nombreux travaux portant sur l'Antiquité ou le Moyen-Âge l'attestent sous différents angles, la figure de ce dernier, l'individu, acquiert bien une centralité inédite avec l'entrée dans la modernité sous les espèces du sujet constituant du social et du politique à la fin du XVIIIe siècle. » Les œuvres de Rousseau, de Locke et de Kant ont commodément résumé le sens et les conditions de cet avènement. John Mellar et les Lumières écossaises, poursuivaient Pierre Auzan-Vallon, avaient de leur côté inscrit ce sacre de l'individu indépendant dans une philosophie progressiste de l'histoire. Dans son origine de la distinction des rangs, ce dernier proposait ainsi d'interpréter le mouvement de la civilisation comme celui d'une marche inéluctable et désirable vers une autonomie croissante tant des individus que la société civile. Pierre Auzan-Vallon notait que la société des individus qui en résultait était fondée sur le principe d'une réciprocité des consciences libres, pour reprendre une heureuse formulation de Jean Starobinski. D'où, dans le cas français, le caractère considéré comme inséparable des droits de l'homme et du citoyen, une citoyenneté active et égalitaire étant la condition d'une garantie de l'autonomie de chacun. Quelle était alors la culture d'autonomie qui a pu accompagner le premier libéralisme dans une société pré-capitaliste avant les grandes mutations de la révolution industrielle? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 31 janvier 2018 pour le cours de Pierre Auzan-Vallon, aujourd'hui, modernité et libéralisme en mouvement. Les institutions, Robert Castel aurait dit de façon imagée, les supports de cette autonomie étaient au nombre de trois pour ces Lumières, la propriété, le marché et l'état de droit. La propriété parce qu'elle était comprise comme ce qui donnait consistance à la possibilité de mener une existence indépendante, et ce n'était donc la propriété, ni l'ordre bourgeois, ni la concentration capitaliste des moyens de production, mais c'était ce droit naturel et imprescriptible de mener sa vie de façon autonome. Et y compris la Déclaration des droits de 1793 maintiendra cette notion centrale d'individu propriétaire. Et le marché, il était aussi un moyen d'autonomie, il rendait libre, comme le dira plus tard Max Weber, parce que il mettait en place un mode de régulation et d'interaction entre les individus qui n'avaient pas besoin de recourir à des autorités instituées. Il permettait ainsi de dédramatiser le face-à-face des individus, de dépassionner leurs relations et de désamorcer la violence virtuelle des rapports de force. Il mettait ainsi en place le pouvoir d'une main invisible qui était neutre parce que non personnalisée. L'idée d'indépendance va avec l'idée de dépersonnalisation du pouvoir dans le monde. Et ces trois instruments que sont la propriété, elle personnalise parce qu'elle est un moyen de l'individu, mais le marché et puis la société civile, le règne de la loi qui organise la société civile, ce sont deux types de pouvoirs dépersonnalisés. Ce sont des modes d'interaction entre les individus qui ont pour fonction de désubjectiver le monde en mettant au poste de commandement des pouvoirs objectifs de la règle ou de lois naturelles qui se substituent à l'ancienne volonté d'un maître. Donc la dépersonnalisation, c'est faire que l'idée de volonté ne s'applique plus sur les individus, mais qu'un individu libre, c'est un individu qui n'obéit pas à une volonté, mais un individu qui obéit simplement à ses pouvoirs qui ont la particularité de commander sans opprimer, qui peuvent commander sans opprimer par leur caractère d'objectivité, d'impartialité et de désintéressement. Elle aussi rendait libre de cette façon. Tels étaient, dans son rappel extrêmement rapide, les fondements anthropologiques et conceptuels de la première modernité. Et il dessinait ce qu'on pourrait appeler un libéralisme égalitaire et optimiste. Libéralisme égalitaire en fonction des principes que je viens d'énoncer et libéralisme optimiste parce que ils étaient conçus alors comme ce qui pourrait avoir comme effet de détruire les inégalités monstrueuses des richesses. C'est dans son cours sur l'instruction publique, Lacanal, qui disait « La liberté politique liée à la liberté illimitée de l'industrie et du commerce détruira les inégalités monstrueuses des richesses. » Et on trouve chez Condorcet aussi un certain nombre d'expressions de cette nature. Il faut bien avoir en tête cet arrière-fond pour comprendre tant l'esprit d'égalité pendant la Révolution française que l'esprit du premier libéralisme comme culture de l'autonomie. Premier libéralisme, évidemment, qui a été défini dans une économie et dans une société qui était précapitaliste. Et c'est pourquoi cette culture du premier libéralisme restera beaucoup plus longtemps vivante aux États-Unis qu'en Europe. Parce qu'aux États-Unis, la révolution industrielle amenant le capitalisme sera beaucoup plus tardive qu'en Europe. Je rappelle que la première grande manufacture installée aux États-Unis à Lowell dans le Massachusetts, la première manufacture textile, est de 1828, la toute première. Évidemment, c'est bien après les débuts de l'industrialisation en Grande-Bretagne d'abord et aussi en France. Quelles sont les conséquences qu'a eu justement le fait que ce premier moment de définition du libéralisme optimiste égalitaire était en quelque sorte heurté par la réalité du développement capitaliste? Il y a d'abord eu, c'était quelque chose de très important, toute une recherche sur les conditions qui permettraient d'actualiser, de corriger ou de redéfinir des conditions de validité de ce premier libéralisme utopique. Et on peut dire que la direction donnée par Marx a été de retrouver sur un autre mode l'optimisme du XVIIIe siècle. De retrouver l'optimisme du XVIIIe siècle, non pas à travers simplement le culte de la propriété et du marché, mais de retrouver l'optimisme du XVIIIe siècle avec une vision historique puissante de la révolution des forces productives. C'est la révolution des forces productives, disait Marx, qui va permettre d'aboutir à une forme d'abondance qui conduira à l'émancipation du genre humain. La libération du besoin permettra véritablement la pleine expression de la notion d'autonomie. Ce sont les thèmes répétés à longueur de page dans les Grundrisseux. Deuxième façon de revitaliser, en quelque sorte, ce libéralisme utopique, ça a été de trouver une modalité de fonctionnement de ce libéralisme utopique différente de celle du petit propriétaire à travers l'idée coopérative, pour faire vite. À travers l'idée coopérative et, surtout, une vision tout à fait novatrice du crédit. On peut dire que une des premières grandes intuitions du socialisme du XIXe siècle a été de considérer qu'il fallait inverser les rapports du capital et du travail. Dans le capitalisme, c'est le capital qui achète de la force de travail et qui a servi de cette façon l'ouvrier. Et la grande idée de Proudhon, c'était de dire à l'inverse, il faut que ce soit le travail qui achète du capital et le travail qui achète ou loue le capital à travers un système de crédit facilement accessible. C'est toute l'idée de la Banque du Peuple qu'il développe en 1848. Et puis enfin, il y a une troisième vision des conditions dans lesquelles on pourrait redonner corps à ce premier libéralisme utopique, c'est de penser que l'obstacle à son déploiement est un obstacle de type politique. C'est qu'il y a un hiatus entre les idéaux économiques et sociaux et le suffrage censitaire. Le suffrage censitaire est en effet, pensait-on, une situation qui institutionnalise le pouvoir d'une minorité sur la majorité. Et donc, le suffrage universel, il permettrait au contraire, automatiquement, de satisfaire les intérêts du peuple. C'est une gravure très connue de Marx au XIXe siècle, où on voit le soleil de l'abondance avec un navire qui va vers le soleil de l'abondance et sur les voiles du navire est inscrit « suffrage universel ». Et Engels dira la même chose dès les années 50, un peu après le déclin du chartisme. Il dira « le suffrage universel dans une Angleterre habitée à deux tiers par des prolétaires entraînera automatiquement le règne politique exclusif de la classe ouvrière » avec toutes les transformations révolutionnaires des conditions sociales qui en sont inséparables. Donc une grande partie du XIXe siècle, dans le mouvement ouvrier notamment, a été fondée sur l'examen des conditions pour redonner sens et moderniser en quelque sorte cette idée du libéralisme égalitaire et optimiste. Et c'est seulement plus tard que ce sera dans des termes différents qu'on envisagera l'émancipation, non plus comme l'examen des conditions pour faire revivre ce libéralisme, mais pour redéfinir les conditions de l'émancipation, non plus simplement à partir de l'individu, mais à partir du constat que la société était devenue une société de classe. Société de classe, pendant un bon moment même, on ne fera pas vraiment la distinction entre société moderne de classe et société corporative ancienne. Il faut rappeler que les premiers congrès de la CGT, à peu près jusqu'à la guerre de 1914, étaient intitulés « Congrès corporatif ». Congrès corporatif de la CGT, et ce n'est pas congrès national, ce n'était pas congrès de la classe ouvrière, c'était congrès corporatif. Ce qui ira d'ailleurs de pair avec un élément de fonctionnement très particulier, c'est que dans les congrès de la CGT jusqu'en 1914, on votait bien sûr au sein des congrès pour voter des motions, mais on ne votait pas des motions par tête, on votait des motions par ordre, comme dans l'Ancien Régime, si je puis dire. Et il est un exemple qui est souvent indiqué, c'est que le syndicat de la métallurgie de la région parisienne comptait à l'époque 15 000 membres de la CGT, mais que le syndicat des briquetiers de Seine-et-Marne n'en comptait que 12. Eh bien, le syndicat des briquetiers de Seine-et-Marne avait une voix dans les congrès, au même titre que les 15 000 représentants du syndicat de la métallurgie. Et donc, apparaîtra, avec cet équivoque, mais apparaîtra une nouvelle vision de l'émancipation, qui ne sera pas retrouver les termes du libéralisme optimiste et égalitaire premier, mais redéfinir une culture de classe et des institutions qui permettront d'avoir d'autres modes de régulation que ceux de la propriété. Et donc, ce sera l'ensemble des politiques d'organisation de la limitation du poids des aléas de l'existence sur les conditions matérielles de vie avec les mécanismes d'assurance sociale, la régulation de la condition salariée telle qu'elle a été longuement étudiée par Robert Castel, ou bien aussi les mécanismes de réduction des inégalités à travers les transformations de l'impôt. Cette deuxième, en quelque sorte, deuxième âge de la modernité a été souvent décrit, je n'ai pas à prolonger. Le fait est que ce qui s'est passé à partir des années 1970, c'est un effritement progressif de ce deuxième âge de l'émancipation. Pour des raisons sur lesquelles je ne m'étends pas beaucoup, parce qu'elles ont été amplement discutées et présentées, tenant à la fois à la fin des Trente Glorieuses, c'est-à-dire à une économie qui n'est plus dans des cycles de rattrapage. C'était ça, la fin des Trente Glorieuses, ça n'était pas simplement tout d'un coup l'effondrement de la croissance, c'est le constat que la croissance dans les pays européens, pendant ces Trente Glorieuses, avait correspondu à un rattrapage de l'économie américaine. Et maintenant, tout le monde utilise cette notion de croissance de rattrapage quand on voit, par exemple, les phénomènes de la croissance en Inde, en Chine, en Afrique et dans les autres pays. Cette théorie de la croissance de rattrapage qui avait été formulée au début des années 90 est maintenant passée dans le sens commun, pourrait-on dire, de la théorie économique. Et bien des facteurs sont maintenant à l'œuvre pour montrer que nous sommes en quelque sorte rentrés dans une troisième modernité industrielle, mais que ne se dégage absolument pas aucune formule, je dirais, d'une redéfinition d'éléments d'émancipation correspondant à ce nouvel âge de la modernité. Et c'est la caractéristique relativement unique de cette période, c'est que la dénonciation ou l'analyse des problèmes que nous vivons a été faite et déployée de bien des façons, mais qu'il n'y a pas eu, contrairement aux deux premiers grands moments du déploiement de la modernité, de constitution ou de formulation d'idées directrices permettant simplement de, pour dire, de reproblématiser cette notion d'émancipation. Ce qui nous amène, après avoir essayé de réfléchir sur la différence entre radicalisation, déploiement de la modernité et tentative de distinguer des moments de cette modernité, cela nous amène à revenir sur la question de l'analyse du néolibéralisme. J'ai déjà, dans le cours, souligné à quel point le problème de ce terme était que sa généralité faisait qu'il définissait un monde indissociablement insaisissable et immaîtrisable. Je voudrais là d'abord rappeler une chose, c'est que il est frappant aujourd'hui de voir refaire une histoire du terme de néolibéralisme qui tend à ne pas distinguer radicalement l'évolution qu'il y a eu dans ce terme. Le terme de néolibéralisme, je le rappelle, quand il est né dans les années 1930, il est né pour définir un mode de critique du libéralisme. C'était le terme de néolibéralisme a été à ce moment-là forgé aux États-Unis, développé en France par Gaétan Pirou, aussi justement par ceux qu'on appellera ensuite les ordo-libéraux, mais c'était dans une optique de critique du libéralisme. Ça n'était pas du tout le règne du marché, mais un mode de réorganisation du marché. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas comprendre la notion de néolibéralisme telle qu'elle elle commence à être employée dans les années 1930, si on ne la ressaisit pas non plus, parallèlement à toutes les modalités de formulation d'idéologie néo-quelque chose. Il y a aussi le néo-socialisme et il y a aussi le néo-corporatisme à cette époque-là. Donc c'est dans une redéfinition du libéralisme, d'un libéralisme justement en rupture avec celui du simple libéralisme de marché, que va être forgée la notion de néolibéralisme. Et que donc, quand on voit aujourd'hui un certain nombre d'interprétations qui semblent vouloir marquer une continuité entre l'œuvre des ordo-libéraux allemands ou bien tous les travaux de cette fin des années 1930, en considérant que c'est la genèse, en quelque sorte, un élément de la genèse du présent, il me semble que c'est quelque chose de tout à fait erroné. La deuxième grande erreur, c'est de considérer que ce qu'ont mis en œuvre dans les années 80 ceux qui ont symbolisé, en quelque sorte, le revival du libéralisme, Margaret Thatcher et Ronald Reagan, était aussi la deuxième étape dans la continuité de ce néolibéralisme, mais d'une accentuation, en quelque sorte, de ce néolibéralisme. Dans un premier temps, d'ailleurs, on n'a pas parlé à leur propos de néolibéralisme, mais plutôt d'ultralibéralisme. D'ultralibéralisme, c'est-à-dire au contraire d'une accentuation des politiques libérales. Mais en même temps, il faut immédiatement souligner que cette vision du marché qui n'était pas simplement un régulateur de l'économie, mais un régulateur de l'activité humaine en général, voisinait dans les deux cas de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan avec une vision du monde et de la société la plus classiquement conservatrice. C'était particulièrement frappant dans le cas de Margaret Thatcher. Si elle célébrait les vertus du libre-échange, ses discours résonnaient en même temps en permanence d'accent patriotique exalté. Et les conditions dans lesquelles elle se lança dans la guerre des Malouines et la manière dont elle exploita la victoire en témoignèrent de façon, à mes yeux, stupéfiante. Et elle était aussi très critique vis-à-vis de l'Europe, ne l'oublions pas. Et c'est ce qui finira par provoquer sa marginalisation au sein du Parti conservateur. Et elle ne cessera de s'attirer les faveurs de l'électorat populaire en flattant sa fibre nationaliste. le retour des combattants des Malouines et les discours qui ont eu lieu à ce moment sont particulièrement emblématiques. Parallèlement, elle ne cessait également de louer les vertus de la famille. Elle parlait d'une démocratie anglaise qui devait être fondée sur la famille. Et si elle disait que la société n'existe pas, elle disait en même temps que la société devait se greffer sur le socle protecteur et moralisateur des liens sociaux traditionnels. Les rythmes du marché et ceux de la tradition s'équilibrant de la sorte dans son appréhension de la marche du monde. Et Margaret Thatcher ne manquait par ailleurs aucune occasion de mettre l'accent sur l'identité chrétienne du pays. Et ses discours avaient parfois semblé répliquer des prêches méthodiques. On vient de publier récemment les discours politiques de Margaret Thatcher, un gros volume de 700 pages qui vient d'être publié. Et c'est extrêmement intéressant de voir que quand on reprend l'ensemble de ces discours, les discours sur la famille, les discours sur la patrie, les discours sur la religion occupent une place tout à fait centrale et plus importante, je dirais, que son exaltation du marché, même si, bien sûr, elle est là tout à fait présente. Aujourd'hui, ce troisième néolibéralisme se distingue à la fois de celui des années 30 et de ce néolibéralisme, puisque le mot a fini par être employé également, caractérisant la vision de Thatcher et de Reagan. Je souligne d'ailleurs qu'un certain nombre de personnes qui font la théorie de la radicalisation de la modernité expliquent justement que cette radicalisation a été plus forte en Europe qu'aux États-Unis, dans la mesure où aux États-Unis, la place qu'occupe la religion dans la société représente une sorte de frein au tout individualisme, disons. Alors, du point de vue économique, on peut dire tout à fait que dans la vision ordolibérale classique d'un marché considéré comme devant être institutionnalisé, réglementé, placé sous la surveillance d'autorités de régulation, de la concurrence ou un droit économique de plus en plus complexe, c'est quelque chose qui, effectivement, aujourd'hui a trouvé une nouvelle ampleur et on peut même dire que la construction européenne s'est en partie identifiée à cette entreprise d'institutionnalisation de façon constructive du marché. Mais bien sûr, on a en même temps voulu dire beaucoup plus avec l'emploi de ce terme de néolibéralisme à partir du tournant du XXIe siècle. On a voulu l'identifier de façon plus extensive à la nouvelle idéologie dominante du monde contemporain. La nouvelle idéologie, c'est-à-dire la vision du monde économique et social autant que politique, tendant à s'imposer dans les têtes comme une raison justificative du monde, le constituant en une nouvelle nature et dessinant le seul horizon possible de la marche des choses. Et on a simultanément voulu résumer avec lui tous les maux et les mutations contemporaines, qu'il s'agisse de l'explosion des inégalités, des excès de l'individualisme, des politiques de privatisation et de dérégulation, ou encore de l'accélération de la mondialisation. Et c'est dans les conditions de cette extension que le néolibéralisme est devenu un mot en caoutchouc. Et un mot qui échoue pour cela à servir de support une critique instrumentale. Ne pouvant donc offrir la perspective d'une alternative ou d'un dépassement, un mot, je reviens sur ce point que j'avais analysé en parlant des radicalités d'impuissance, qui donne du même coup le sentiment de faire face à l'insaisissable et à l'inébranlable. Je vous renvoie d'ailleurs sur ce point, sur les analyses critiques très intéressantes que Jacques Rancière a fait récemment du livre qui était celui de Boltanski et de Capello sur le nouvel âge, le nouvel esprit du capitalisme. Le néolibéralisme ne peut ainsi être compris comme une simple idéologie, avec le présupposé qui pourrait en découler de forces commandantes assurant une hégémonie. Il est plutôt la dénomination générique et maladroite que l'on donne à notre monde contemporain avec, c'est cela qui est décisif, les contradictions et les conflits qu'il traverse et les confusions qui le constituent. Parler du néolibéralisme de façon instrumentale, c'est donc avant tout mettre au jour ces contradictions et ces conflits et ces confusions qui constituent le présent. Confusion et superposition, par exemple, entre des formes inédites de domination et la reconnaissance positive de la singularité des personnes. Dans l'entreprise, on voit bien aujourd'hui qu'une plus grande autonomie peut à la fois correspondre à une liberté et une responsabilité accrue, et en même temps qu'à la promesse de tâches plus enrichissantes, conduire à un engagement asphyxiant dans le travail et donc à des formes d'exploitation inédites. Dans la vie sociale, plus d'indépendance peut aussi vouloir dire plus de solitude. Les facteurs d'émancipation, d'aliénation et de domination se combinent et se croisent désormais de façon inédite. Il suffit souvent de peu de choses pour passer de l'un à l'autre. Au lieu d'en déduire abstraitement, comme on l'a fait, que le capitalisme a du même coup désormais la capacité d'assimiler tout ce qui pourrait s'opposer à lui et de se saisir des libertés pour en faire des moyens de production à son service, il faut plutôt en conclure que le combat pour l'émancipation est aujourd'hui un combat qui requiert une attention permanente sur cette ambiguïté contemporaine, et qu'on ne saurait plus le limiter, comme dans le passé, à cette émancipation, à une simple conquête de statut protecteur, et que la frontière est devenue, par exemple, de tellement ténue entre une philosophie cynique du risque et une quête constructive de la responsabilité, qu'il faut en permanence être vigilant, qu'il faut en permanence essayer de lutter pour maintenir du bon côté la quête de la responsabilité contre la philosophie cynique du risque, par exemple. Et que la lutte de classe est devenue, de cette façon, non pas simplement la conquête de statut définitif, mais un exercice permanent de discernement sur le caractère mouvant de cette frontière entre l'émancipation et la domination. Tension et confusion, sur un deuxième plan, entre un monde libéral, néolibéral, volontiers joué aux hégémonies, et des éléments de vie quotidienne qui lui sont liés, devenus indispensables ou considérés comme légitimes. Ce point est essentiel. D'un côté, on dénonce la société de marché, avec l'explosion des inégalités qu'elle engendre, le règne mortifère du court-termisme qui la guide, et sa dureté vis-à-vis des faibles. Mais de l'autre côté, l'attachement à pouvoir noter les gens et les choses sur Internet, à comparer en permanence les prix et les produits, la hantise des free riders est quelque chose qui détermine des formes de vie quotidienne qui sont de fait acceptées. Et de même qu'on s'alarme des inégalités en général, tout en reconnaissant implicitement comme fondés les ressorts de l'inégalité qui les conditionne, on pourrait dire que l'on s'alarme du néolibéralisme, mais on accepte implicitement tout un ensemble de règles de comportement qui lui sont liées d'une autre façon. En matière d'inégalité, on voit par exemple qu'il y a un attachement à lutter contre les inégalités, mais en même temps à voir sa rémunération se distinguer de celle d'autres personnes jugées moins engagées dans le travail. Il y a ainsi un rejet global d'une forme de société qui voisine avec l'acceptation de fait des mécanismes qui la produisent. C'est ce que j'ai appelé dans un de mes derniers livres « Le paradoxe de Bossuet ». Bossuet disant fameusement que Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. C'est une façon de dénoncer cette tendance qu'ont les hommes de déplorer en général ce à quoi ils consentent en particulier. Et la question du néolibéralisme, elle est en grande partie aussi celle-là, l'expression de cette tension. Paradoxe également d'un néolibéralisme qui là n'est lié à aucune forme de société à proprement parler. Le libéralisme optimiste, le libéralisme égalitaire, était lié à la vision d'une forme de société, la réciprocité des consciences libres, comme disait Starobinsky. alors que le néolibéralisme contemporain est tout entier absorbé et exprimé par de seuls principes de fonctionnement et de régulation. C'est sa limite constitutive. Il définit des comportements, caractérise un régime d'interaction, mais n'emporte aucune définition d'un être ensemble, aucune vision d'ordre démocratique au sens propre du terme. C'est pourquoi sa critique doit être indissociable d'un travail d'élaboration pour combler ce vide. Si le moment néolibéral dans lequel nous nous trouvons se caractérise au premier chef par les indéterminations et les équivoques de mise en forme de la troisième modernité, celles-ci ne pourront en effet être levées que de deux façons. Sur le mode d'un nouvel âge de la domination ou sur celui d'une redéfinition de l'émancipation. Et aujourd'hui, les forces, je dirais, de redéfinition ou de déploiement de la domination sont plus fortes intellectuellement que les forces de l'émancipation. Et c'est pourquoi cet enjeu ne pourra être gagné ou modifié que s'il s'inscrit dans un projet positif et n'en reste pas simplement à ce que j'ai appelé une politique de résistance ou une perspective de restauration. Cela me conduit à dire quelques mots sur le bon usage de l'analyse de Michel Foucault sur le néolibéralisme. Car le cours de Michel Foucault consacré dans les premiers mois de 1979 au libéralisme et qui ont été publiés bien longtemps après sa mort sur le titre « Naissance de la biopolitique », titre qui n'a aucun rapport avec le cours, mais qui tient tout simplement à une chose, c'est que nous devons au collège donner notre titre de cours au mois de mai, et alors que nous commençons au mois de janvier. Et donc, dans la précipitation, parfois, nous donnons des titres de cours qui ne correspondent pas à ce qu'on ferait. Donc, Foucault voulait faire un cours sur la biopolitique, il a fait un cours sur le libéralisme, mais ce cours sur le libéralisme a quand même été publié sous le titre « Naissance de la biopolitique ». Donc ça, c'est un peu les mystères de l'édition. Et c'est devenu un de ses textes les plus cités depuis une vingtaine d'années, en général dans son œuvre, et bien sûr, dès qu'il est question de néolibéralisme. Et ce texte est élu comme un texte anticipateur de l'analyse de ce néolibéralisme contemporain, considérant ce néolibéralisme comme une raison du monde, je reprends là le titre d'un livre connu, parfaitement constituée et cohérente. Il me semble au contraire que ce cours doit être lu comme une exploration libre qui a pour première caractéristique de laisser apparaître les interrogations ouvertes de Foucault, et dont le grand intérêt est qu'il permet justement de souligner que la question du néolibéralisme est celle des équivoques et des ambiguïtés contemporaines entre la liberté et la domination. C'est une exploration libre qui rend lisibles les différentes composantes du nouvel âge de la modernité en train d'émerger, avec ce qu'elle charrie de dangers et de possibilités simultanément. Et c'est ce qui fait de ce cours un document intellectuel exceptionnel. Je dis exceptionnel parce que il a été décidé de publier ces cours, mais il n'a pas souhaité publier ce cours, parce que ce cours était justement une exploration libre qui n'était absolument pas terminée. Et il n'a pas voulu, pour cela, le publier. Son cours parcourt, je dirais, les différentes dimensions des débats autour de la question du libéralisme puis du néolibéralisme. Les deux mots se mêlent constamment chez lui, qu'il s'agisse d'approcher la question par les arts de gouverner, par les conceptions du marché, par les conceptions de la liberté, et c'est là qu'il emploie un certain nombre d'expressions qui seront très souvent reprises, puisqu'il parlera là de l'individu comme un nouvel entrepreneur de lui-même, et certains feront de cette expression en quelque sorte le résumé de toute sa position sur le néolibéralisme. Et une réflexion anthropologique aussi sur les questions du sujet et de l'autonomie des individus dans un âge qui n'est plus celle de la souveraineté classique. Approche politique également, même si c'est beaucoup moins fort chez lui. Ces différents niveaux d'analyse du néolibéralisme chez Foucault se superposaient et se suivaient dans ce cours séminal sans qu'apparaisse une synthèse. Mais On peut dire que c'est le propre d'une recherche que de construire des échafaudages que l'on abandonne, de faire des digressions, de suivre des pistes qui n'aboutissent pas, d'avoir des fulgurances et des intuitions qu'on ne peut pas encore exploiter, et d'avoir aussi des bonheurs d'écriture qui donnent à penser. Et par exemple, cette formule d'entrepreneur de lui-même en est un bon exemple. Il y avait de tout cela dans le cours de 1979. Mais en même temps, il faut véritablement le lire comme ce qu'il était, une exploration libre qui était commandée en quelque sorte par cette idée de l'ambiguïté de ce moment néolibéral. Je me souviens d'avoir beaucoup parlé avec lui de ces choses-là à ce moment-là. Moi, je commençais à travailler sur Guizot. Il m'avait invité à venir parler ici au collège du début de mon travail. Et ce qui m'avait frappé dans les discussions qu'on avait eues en public, dans son séminaire public, c'était justement le constat qu'à travers la nouvelle philosophie du gouvernement qu'il y avait chez un auteur comme Guizot, on disait des choses, on apprenait et on voyait les choses complètement à l'opposé de ce qu'il y avait dans la vision des libéraux écossais. Et que, en même temps, disait-il, c'est que il y a justement dans ce moment libéral tous ces éléments qui se mêlent. Mais il avait une obsession, une formule qu'il reprendra d'ailleurs à plusieurs reprises. Il disait alors, il faut éviter de laminer le présent dans une forme reconnue dans le passé. Éviter de laminer le présent dans une forme reconnue dans le passé, c'était justement ne pas tout de suite vouloir recouvrir les ambiguïtés et les équivoques que l'on voyait à l'œuvre à travers ce nouveau moment libéral qui arrivait. Mais voir que ces ambiguïtés, il fallait les traiter en tant que telles, et non pas trop rapidement leur donner un visage lisse et simplificateur. C'est pour cela aussi qu'il est oiseux, à mon avis, comme l'ont fait certains, de parler d'une tentation libérale de Foucault, ou de suggérer même qu'il a été fasciné par le néolibéralisme, surtout en donnant à ce terme le sens globalisant qu'il a pris aujourd'hui. N'oublions pas que c'est un texte de 1979, c'est-à-dire qu'en 1979, ni Reagan ni Thatcher n'existaient, si je puis dire. Donc, mettre sur ce terme de néolibéralisme, employé en 1979, tout ce qu'on lui associe aujourd'hui, c'est une erreur. Il avait le sentiment, et c'est ça qui était très intéressant quand on sait lire ce cours, très intéressant, c'est qu'il voyait en même temps la réactivation d'un foyer utopique allait de pair, c'est une expression qu'il emploie, un foyer utopique qui se réactive, allait de pair avec de nouvelles modalités, justement, de l'asservissement. Et l'ambiguïté structurante du néolibéralisme, pourrait-on dire aujourd'hui, pour résumer les choses, tient justement au fait qu'il participe d'une culture de l'émancipation, en affirmant la centralité de la figure de l'individu autonome, en même temps qu'il favorise le développement de situations sociales qui conduisent à des formes d'asservissement. Et c'est la sensibilité de Michel Foucault à ces ambiguïtés qui me semble aujourd'hui être l'élément décisif à retenir et à méditer dans ce cours. Car Foucault avait aussi croisé le chemin du libéralisme dans sa quête d'un individu augmenté, d'une subjectivité enrichie, d'une sexualité réinventée. Il nous faut, disait-il, promouvoir de nouvelles formes de subjectivité en refusant le type d'individualité qu'on nous a imposé pendant plusieurs siècles. Dans une de ses dernières conférences, prononcée à Berkeley, il avait souligné qu'il s'agissait pour lui de trouver un autre type de philosophie critique, non pas une philosophie critique qui cherche à déterminer, disait-il, les conditions et les limites de notre connaissance possible de l'objet, mais, disait-il, une philosophie critique qui cherche les conditions et les possibilités indéfinies d'une transformation du sujet, de notre propre transformation. Il était donc très loin d'en rester au seul sujet de droit, ou bien sûr à l'homo economicus du libéralisme traditionnel. Et c'est d'une certaine façon à une révolution dans le libéralisme qu'il appelait de façon encore confuse. Et c'est dans cette direction, me semble-t-il, qu'il faut comprendre son appel, qui en a surpris plus d'un, exprimé dans ce cours, à faire ce qu'il appelle des utopies libérales. Utopie libérale, ce terme, quand j'en parlais avec lui, c'était justement rapprocher cette nécessité de réinventer la liberté d'aujourd'hui, mais de la réinventer, je dirais, de la même façon que certains avaient voulu, à une autre étape aussi, inventer cette liberté. Mais comment dégager cet individu augmenté? C'est la formule qu'il employait, un individu augmenté, et pas simplement radicalisé. Des carcans bureaucratiques, tout en écartant en même temps le spectre de la déliaison sociale. Telle était pour lui la question qu'il fallait regarder en face pour en explorer sans crainte les issues. Question problématique qui est toujours la nôtre aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'au lieu de faire un usage idéologique de ce texte de Foucault, il me semble plus intéressant d'en faire un usage, qu'on pourrait dire, problématique. De voir qu'au fond, la puissance et l'intérêt de ce texte, c'est dans son exploration des ambiguïtés, des paradoxes et des discontinuités qu'il y a dans cette recherche et de l'émancipation avec tout ce qu'elle recouvre. Collège de France et France Culture vous présentent Pierre aux Envallons, aujourd'hui, 1968-2018, modernité et libéralisme. Donc je vais maintenant prendre en compte ce que sont. Là, je suis parti en quelque sorte de ce qu'on appelait autrefois des idées-forces, en essayant de déconstruire ces idées-forces pour ne pas en faire un instrument qui nous rende pas perceptibles les réalités du monde contemporain. Pour analyser ce moment contemporain, j'ai choisi de mettre l'accent sur trois grandes mutations qui sont les suivantes. L'entrée dans un nouvel âge, et je vais essayer de les formuler dans des termes justement qui nous permettent de faire le lien entre une analyse critique du monde et puis les éléments de formulation d'une théorie de l'émancipation. L'entrée dans un nouvel âge du capitalisme d'abord, le capitalisme d'innovation, l'avènement d'un nouveau régime d'individualisme, pas d'individualité, ensuite, et enfin, un moment démocratique particulier, celui du déclin de la performance démocratique de l'élection. Le capitalisme d'innovation, d'abord. Le capitalisme d'innovation, il fait suite à ce qu'on peut appeler le capitalisme d'organisation, tel qu'il avait été écrit par Galbraith ou Schoenfield dans les années 1960 et qui, lui-même, avait marqué une rupture avec le précédent capitalisme en termes de mode de gestion, de rôle de l'actionnaire et de rapport du marché. Alors qu'en matière d'organisation du travail, c'est la continuité qui avait prévalu de l'ancienne fabrique du XVIIIe siècle à l'usine moderne, la mobilisation de la force de travail s'était opérée sur un même mode. Quelle est l'essence de cette mobilisation de la force de travail? C'est que l'ouvrier, en étant réduit à sa force de travail, est pris en charge en tant que généralité substituable. L'ouvrier, c'est pour ça qu'ensuite on parlera du travailleur, Marx emploiera l'expression travailleur collectif, que dans la sociologie italienne des années 60, on parlera de l'ouvrier masse. Ce qui est le propre du procès de travail, c'est d'extraire du travailleur la généralité qui est en lui. Et l'usine fordiste n'avait fait que rationaliser cet état de fait avec le perfectionnement du travail à la chaîne. La ligne mécanisée de production, en effet, a pour caractéristique d'effacer absolument les particularités de sexe, d'âge, d'origine. Chacun sur la chaîne est réduit à une pure puissance mécanique abstraite. Et en ce sens, l'exploitation de l'ouvrier était inséparable d'une véritable désindividualisation. Et le capital avait également réifié le travail intellectuel en incorporant la connaissance sociale dans les machines. La littérature sur cette réification du travail intellectuel dans la sociologie marxiste est évidemment considérable. Et transformant le travail intellectuel en capital fixe, cela entraînait une seconde forme de désappropriation du travail lui-même. Et c'est pourquoi Marx avait d'ailleurs, à l'inverse, défini l'émancipation comme le retour à la particularité. L'économie de la généralité définit le capitalisme. L'économie du travail libre, c'est l'économie de la particularité. Car dans sa définition la plus forte, disait-il dans les Grundrisseux, le travailleur deviendra un artiste, c'est-à-dire celui dont l'œuvre se confond soit avec l'expression d'une irréductible singularité, soit sont celui dont l'œuvre se confond avec l'entretien de sa personnalité, y compris dans les choses les plus classiques de la vie courante sur la nourriture ou le vêtement. Et c'est pour cela que l'auteur du Capital ne cessera d'identifier l'avènement d'une société libérée à la possibilité pour tous les individus de devenir vraiment des individus singuliers, car c'était la condition pour qu'ils deviennent créateurs. Et c'est ce à quoi renverra aussi tout au long du XIXe siècle, dans le mouvement ouvrier, le terme de l'abolition du salariat. Le salarié, c'est l'ouvrier de la généralité. Le compagnon, c'est l'ouvrier de la particularité. Et c'est pour cela qu'on faisait l'éloge du travail indépendant. Le capitalisme contemporain, tel qu'il a commencé à se recomposer dans les années 1980, s'est distingué d'une double façon de ce précédent capitalisme d'organisation. En termes de rapport au marché, de rôle des actionnaires, de montée en puissance du capitalisme financier et d'insertion dans le processus accéléré de mondialisation avec évidence, mais aussi et peut-être surtout dans son mode de mise en forme du travail. Il y a une vaste littérature qui a traité la première dimension, pour rendre compte du retour de l'actionnaire au centre du jeu, par exemple, pour souligner aussi une des conséquences majeures de l'interpénétration croissante des économies, c'est le phénomène qu'on appelait de mondialisation des inégalités. Ce n'est en effet plus seulement entre les pays que se manifestent les différences extrêmes, c'est désormais à l'intérieur de chaque pays que sont présentes les inégalités du monde. Les travaux de François Bourguignon et de Milanovic font sur ce point référence. Mais c'est surtout sur le second aspect des mutations du capitalisme que je voudrais mettre l'accent, celui des conditions de mobilisation du travail. L'exploitation de la force de travail de l'ouvrier masse de l'ère fordiste a en effet cédé la place à une valorisation des capacités individuelles de création et d'intervention. Les qualités de réactivité supplantant le caractère mécanique et décisif de la précédente discipline. Le travail s'est de la sorte singularisé. Il y a eu deux raisons majeures à cela. La nature même de la production a d'abord changé. Les nouveaux biens de l'information et de la communication sont directement constitués par de la connaissance et les objets techniques eux-mêmes incorporent essentiellement du savoir scientifique. C'est donc la créativité qui est devenue le principal facteur de production. D'où les dénominations de capitalisme cognitif ou de subjectivité productive qui ont justement été employées pour qualifier cet état de fait. Il y a beaucoup d'ouvrages sur la question. Le développement d'une économie de service donne d'un autre côté une importance centrale à la qualité de relation avec le consommateur. Cette dernière est en effet constitutive même du service. Là aussi, on peut donc parler d'un processus de singularisation du travail. C'est évident lorsqu'on pense à des activités de soins, de conseils, vous voyez tous les débats sur les EHPAD actuellement, de soins, de conseils, d'enseignement, d'artisanat spécialisé, mais c'est également le cas avec les métiers de livraison ou de réparation à domicile, qui représentent désormais, je le rappelle, un des plus gros contingents des emplois appelés ouvriers par l'INSEE. D'où la centralité prise par la notion de qualité, qui correspond à la diversification potentiellement infinie des différentes façons d'accomplir ces tâches et à la différenciation conséquemment croissante des produits, marquant la rupture avec la précédente économie de la qualité. Toute une littérature aujourd'hui sur le luxe tourne autour de cette idée absolument fondamentale. Il y a eu le livre d'ailleurs récemment de Bolkansi qui a été discuté. Et c'est également la transformation des conditions générales d'organisation de la production qui a conduit à particulariser le travail. Son processus est d'abord devenu beaucoup plus flexible. Au monde de la planification a succédé celui d'une nécessaire adaptation permanente. Il ne suffit donc plus aux salariés de se conformer mécaniquement à des prescriptions générales pour s'acquitter de leurs tâches. Ils doivent être en mesure de prendre en permanence des initiatives, de répondre à l'imprévu en résolvant les problèmes qui surgissent, c'est-à-dire d'exercer leurs responsabilités. S'il y a toujours des injonctions procédurales qui parviennent d'en haut à l'employé, celles-ci ne peuvent souvent être suivies d'effet que grâce aux initiatives qu'il saura prendre en retour. Il y a aujourd'hui, en économie, tout un courant de l'économie qui essaie justement de distinguer la place qu'occupe ce travail particulier dans la production des richesses par rapport au travail à l'ancienne, si je puis dire, au travail mécanique. Je pense que dans le cours qu'il donnera, Pierre-Michel Minguer, qui travaille actuellement sur le talent et la question de la mesure de l'évaluation du talent en économie, fera écho à cette très intéressante littérature qui est en pleine prolifération aujourd'hui. Cela, évidemment, change complètement à la fois la vision que l'on peut avoir du travail enrichi et en même temps du travail dominé. C'était les cours du Collège de France le 31 janvier 2018. Vous venez d'écouter Pierre Auzan-Vallon, les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique, aujourd'hui, modernité et libéralisme en mouvement. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de sa diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre Auzan-Vallon. Son essai « Le bon gouvernement » est disponible dans la collection Point Seuil depuis 2017 et je rappelle aux éditions du Seuil également la publication de « La naissance de la biopolitique », cours du Collège de France de Michel Foucault. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Lundi, nous poursuivrons l'interrogation de la situation actuelle dans la modernité en compagnie de Pierre Auzan-Vallon. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.